Mais quel bronzage! Quel bronzage, Jean-Michel, bonjour! Bonjour Stéphane. On voit que vous passez votre temps dehors à la recherche de petits bouts de paradis que vous venez nous présenter chaque week-end sur France Bleu, puisque vous êtes le directeur éditorial des guides Balado. Et chaque semaine, une bonne idée dans cette heure nature. Aujourd'hui, nous partons dans le Limousin pour hurler avec... Avec les loups. C'est quoi cette idée du jour ? Alors, c'est une superbe idée de balade qui se passe dans la Creuse. On va à la rencontre des loups de Chabrière. On en a toujours rêvé, on a toujours eu peur quand on était enfant des loups. Et là, peut-être que c'est l'occasion pour apprendre à les connaître. Oui, c'est une manière donc de découvrir ces 36 loups dans les sous-bois de la forêt de Chabrière. Donc, c'est un parc animalier où les loups vivent à l'état sauvage. Et donc, on peut les voir vivre sans aucune intervention humaine, quoi, j'imagine. Sans intervention humaine, on les observe, on s'aperçoit qu'il existe des loups gris, blancs ou noirs et on les laisse évoluer librement. On ne les embête pas, on les observe. Et comment se passe la balade ? On est dans une voiture ou est-ce qu'on marche comme ça dans la forêt derrière des... On est à pied, on est conduit par un guide et vous suivez le chemin, vous suivez le guide. Et cette balade, cette visite en fait compte du parc va crescendo. Au début, c'est la curiosité, la fascination. Et puis, lorsqu'apparaît le premier loup, ben, c'est l'extase. Et puis, quel est le point culminant de cette balade, Michel ? Le nourrissage des loups. Ça, c'est vraiment un moment fort. Le guide s'en occupe. Il nourrit les loups et on les voit là réagir à l'état sauvage, se jeter sur la nourriture. Et c'est assez fascinant à voir. Mais c'est le guide hein, qui les nourrit. C'est pas les petits enfants ou c'est pas nous. Hein. Voilà, sécurité oblige, on le laisse faire et on observe. Il y a aussi un musée. Il y a un musée qui est consacré aux loups et qui est mis à la disposition de tous. Et donc, dans une salle vidéo, vous découvrez l'histoire et l'évolution de Lobo, qui est un louveteau filmé pendant un an dans le parc animalier. Parce qu'il y a des petits loups qui naissent là-bas, hein, évidemment, chaque année. Et ils ont eu la bonne idée de faire un reportage et on voit l'évolution. C'est très intéressant. C'est un animal qui nous fascine toujours, hein, le loup. Et là, c'est le loup de Chabrière. C'est donc dans le Limousin, pas très loin de Guéret. C'est à Guéret même, je crois. Hein, c'est à Guéret même. 8 euros pour les adultes et 6,50 euros pour les enfants. Voici une idée sortie. Si vous en avez marre de la bronzette ou si vous avez envie de changer d'air, grâce à notre ami Jean-Michel Maman des guides Balado. On retrouve cette idée sur francebleu.com puisqu'on peut même podcaster la chronique ou alors sur votre site internet balado.fr. À demain Jean-Michel, merci. Merci, bonne balade.